Bonsoir, madame, messieurs. Ce soir, allez jouer boxe, les avares. Oh là là, est-ce une soirée particulière dédiée à la chanson, à la chansonnier, à Niki, à tous les clochards du monde, les abandonnés. Les avares, avec votre plaisir, pour votre plaisir, pour votre directement dans le festival des gros choux. Les avares, les avares. De Niki. De Niki, monsieur Niki. Où est monsieur Niki? Les avares, les avares.